l'âme s'est mise à danser comme un voile sur la pensée. Danse pour me faire chanter, les yeux fermés pour mieux te voir. La fin d'un gros trou noir, oublier la mémoire d'un geste improvisé. Mon âme, voulez-vous danser? La forme déguisée, la force. Moi je brûle de la tête aux pieds. Mon corps, veux-tu me laisser? Seul, ensemble, plus on est haut, plus tout s'assemble. C'est beau de tout laisser vivre sans dire un mot. Seul, ensemble, plus on est loin, plus on se ressemble. Le repos, c'est mourir pour apprendre à vivre. Laisser vivre, c'est mourir quand il le faut. Moi je brûle de la tête aux pieds, au milieu.